If you use the verb parler in connection with a language, note that you don't need the word le before the word for that language. For example, parlez-vous anglais? Oui, je parle anglais. Et vous? Vous parlez anglais? Non, je ne parle pas anglais. But with other verbs, you do need the word le. Vous aimez le français? Bien sûr, j'aime le français. Et l'anglais? Vous aimez l'anglais aussi? Oui, j'aime l'anglais aussi. And of course, there's another example in the words introducing that last test. Écoutez l'anglais et pendant la pause, dites le français. But now, mais maintenant,